Et mots à la bouche passent à l'attaque sur Webset Radio. Alors rappelez-vous ceci, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut en boire avec modération. Allez à table ! Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des lys. Ça c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on marche ! Allez à table ! Les mots à la bouche. Non, Théo, non, ne me dites pas. Et si, mon vieux, c'est la dernière. Mais la dernière quoi? La dernière cuvée de la saison, pardi. Ah, de la saison. Ah bah, on se retrouve en septembre. Mais évidemment, camarade. Ah, bon alors, chers auditeurs, bonsoir, nous ne sommes pas perdus, on se retrouvera. Et bienvenue sur le plateau des mots à la bouche pour, vous l'avez compris, la dernière émission de la saison. Alors, pour cette dernière, on a choisi d'innover, on a choisi d'explorer un territoire nouveau. Et pour cela, un grand monsieur de la scène musicale française est venu ce soir en goguette du côté des mots à la bouche. Il dirige un label, Tricatel, il sort des flopés d'albums, il a joué avec Ice Dragon. Il est toujours tiré à quatre épingles. Il s'agit bien sûr de monsieur Bertrand Burgala. Bonsoir Bertrand. Bonsoir monsieur. Bertrand, vous avez sorti le 19 mai dernier un nouvel album « Les choses qu'on ne peut dire à personne », édité par votre propre label Tricatel. Vous avez donné quelques concerts depuis et j'ai là sous les mains à ma gauche justement deux grands admirateurs de votre musique et qui se sont retrouvés à l'un de vos derniers concerts il y a 3 semaines je crois. Il s'agit de Jean-Pierre Montal. Oui. Bonsoir. Il s'agit de Jean-Pierre Montal, écrivain et cofondateur des éditions Rue Fromentin, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et d'Olivier François, journaliste à la revue Élément. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, quatrième larron de la bande, l'inamovible épicurien de la revue Saveur, vous l'avez reconnu, Théo Torresilas. Mon cher Théo, qu'avons-nous au menu ce soir? Bonsoir mon cher Yves, ce soir eh bien, nous avons un riz au poulet, lait de coco accompagné d'une magnifique ratatouille. Merci brigadier. Bertrand Burgala, j'étais obligé, Bibi Initials, ce sont aussi vos initiales à vous, je crois que Gainsbourg vous a marqué, et on rentre justement en plein dans la chanson française avec, c'est-à-dire avec un auteur qui a des textes et qui y croit, qui à la fois pense qu'il ne va pas révolutionner les choses. Vous parlez de Gainsbourg? Absolument. Oui. Il pense Gainsbourg ça, que vous avez connu, je crois. Pas du tout. Non, absolument pas. J'étais persuadé d'avoir vu une photo de vous, j'en ai peut-être rêvé. Ah non. Avec Gainsbourg. Peut-être un photomontage, ouais. Je l'ai vu une fois dans la rue. Mais oui. Voilà. Mais c'est... aujourd'hui, ça voudrait dire on serait amis Facebook, quoi. Mais non, j'ai pas connu. Malheureusement. Et je crois du moins que vous avez participé à l'enregistrement d'un album qui était un album de reprise, je crois, de chansons de Gainsbourg. J'aimerais bien dire non à chaque fois, mais non. C'est vrai. J'aimerais aussi parce que je pourrais dire des cracks. J'ai fait des arrangements pour plusieurs disques de reprise de Gainsbourg par Mick Harvey, c'est vrai. Oui. Nous allons les faire connaître aux anglo-saxons le répertoire de Gainsbourg. Mais nous allons déjà quitter la musique, nous allons partir vers la littérature, car vous savez, dans les mots à la bouche, généralement nous sommes toujours habitués à parler à un écrivain, et par mauvaise habitude, je vais vous faire une petite citation. Très bien. Mais nous allons aller vers votre œuvre, évidemment. Non, mais je ne suis pas en promo, vous inquiétez pas. Un peu quand même, non? Oui, mais enfin, bon, c'est pas... Nous verrons ça plus tard, ouais, nous verrons ça plus tard. Un jour, peut-être, nous abattrons les cloisons de notre prison. Nous parlerons à des gens qui nous répondront. Le malentendu se dissipera entre les vivants. Les morts n'auront plus de secrets pour nous. Un jour, nous prendrons des trains qui partent. Oui. Cette dernière phrase... C'est la première phrase justement que vous chantez dans votre nouvel album. Exact. Qui est une musique qui a été faite, je crois, par une femme écrivain qui s'appelle Blandine Rinkel. Le texte, ouais. Qui est presque une égérie, je crois pouvoir dire, car elle danse aussi dans un de vos c'est clips. Vrai. C'est vrai, je suis bien entouré. Oui. Comment oui. Ça se passe justement ce rapport aux mots qui à la fin ne sont pas les vôtres, sont ceux d'un parolier et que vous interprétez qu'il faut faire sien? Eh ben, et moi je considère qu'une chanson c'est pas un être vivant mais presque, en tout cas un disque comme ça il doit donner vie à des chansons qui n'existent pas Et donc, c'est vrai que c'est, il y a des choses qui sont involontaires parce que l'instrumental, le premier instrumental, il commence par attention au départ, mais je ne pensais pas du tout à une gare. C'est la voix enregistrée du manège du Parc Monceau, vous voyez. Le manège du Parc Monceau. Et que je trouvais très, très magique, très, très poétique parce qu'il y a de l'écho. Et puis, c'est vrai que la phrase d'après. Eh bien, c'est la fin de l'humeur vagabonde. L'humeur vagabonde d'Antoine Blondin, qui nous est assez cher justement dans les mots à la bouche. Ouais. Jean-Pierre Montal, lorsque je vous ai contacté, vous m'avez dit que vous étiez un grand admirateur justement de la musique de Bertrand Burgala. Et je crois que vous avez écouté plusieurs fois, et on reviendra justement sur ça, parce que je crois qu'il faut écouter plusieurs fois, jusqu'à une quinzaine de fois, les albums de Bertrand, avant de vraiment rentrer dedans, vraiment réussir à saisir toutes les subtilités. Ça a été votre cas, justement, je crois que vous avez une plongée. Oui. C'est toujours bizarre de parler en face de l'auteur, mais ce serait encore plus bête de ne pas le dire quand on le pense. Non, mais c'est un album qui est rentré dans un certain club d'albums, disons, que ceux qui font le vide, vous voyez, autour de la chaîne. Plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une pile de disques, vous les passez comme ça, et bon, moi j'ai écouté l'album de Bertrand Burgala sans interruption, ça continue, ça se dissipe un peu, comme les brumes matinal, mais ça continue. Et je pense que dans ce genre de relation avec des disques, on va pas faire la liste des disques qui produisent cet effet-là, ça fait un peu les 50 albums, voilà. Mais je crois qu'il y a une part de subjectivité déjà. Absolument, il le faut. Toujours, enfin, je pense que par exemple, tout simplement, personnellement, en tout cas, ça c'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, moi j'arrive à un âge où des textes comme Musée et Cimetière, bon, ont une certaine résonance. L'album de la maturité, comme disent les critiques. Voilà, il y a cette part un peu subjective comme ça. Mais je crois qu'il y a aussi quelques arguments que je dirais plus objectifs, si on peut parler objectivement de musique, sans faire de discussions techniques. C'est-à-dire que moi, j'ai été très marqué par deux choses dans cet album. La première, c'est que dans tous les albums que j'aime assez passionnément, il y a une dimension géographique. C'est-à-dire que pour moi, ils évoquent toujours un lieu. Voilà, pour moi, Coney Island Baby, c'est trois photos de New York. J'en démords pas, par Lou Reed. Et voilà. Et là, effectivement, vous avez toujours une relation assez forte aux endroits, aux lieux, aux bâtiments. Notamment dans Paris, à la banlieue, vous pensez par exemple au Tour Mercurial, il y a la Villa Pamplemousse, bon là qui n'appartient pas en banlieue, mais qui appartient aux Balkaniques, que eux sont en banlieue, d'ailleurs ils ont dû la rendre. Mais il y a un attachement géographique très fort dans votre musique, il y a une spatialité, on se promène. Oui, c'est vrai. Mais je suis curieux d'entendre la suite de ce que Jean-Pierre allait dire, Jean-Pierre. Oui, en fait, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui doit être comme ça, rattaché à un lieu. D'ailleurs, finalement, dans la pochette de l'album, je l'ai en vinyle, il y a un tableau, à un moment où vous concassez la Défense et le Sacré-Cœur, et on voit comme une géographie. C'est une photo de Raphaël Dalla Porta, et c'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Sans trucage. Ah oui. C'est un photographe qui utilise des focales assez énormes, quasiment des télescopes, ça lui permet. Et c'est pris depuis. C'est Paris, photographié depuis la Tour des Lilas. Et donc, il y a le Sacré-Cœur et la Défense qui paraissent quasiment sur le même plan. Si proche. Parce que ça écrase complètement. Il a fait d'autres choses comme ça autour de Paris. Ça, c'est un projet qui s'appelle Azimut. Et on voit les Tours de Flandre dans le 19e. Et on voit un avion sur le tarmac du Bourget. Ce qu'on sent aussi dans le disque, je trouve, mais dans vos disques précédents aussi, je me souviens d'une chanson que moi j'ai écoutée en boucle qui s'appelait Grande Remise. Vous disiez double impact rue du Colisée. Moi, ce double impact rue du Colisée. C'est un texte d'Elisabeth Barillet. C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et donc, on sent aussi, je trouve, un attachement par l'architecture et par les bâtiments. Ah, alors là, je suis désolé, ça va sentir le poncif pendant quelques minutes. Mais allez-y. Mais on non, les passe après. Mais pour moi, les disques comme ça qui vous fascinent, il y a ce côté un peu relié à un lieu. Et ensuite, ça doit décrire une atmosphère que vous trouvez dans la rue, dans les conversations, dans les dîners que vous faites. Et je trouve que ce disque, moi, a complètement englobé une atmosphère que je sens en ce moment, qui est on est tous un peu en train de se dire, cette époque foisonne de choses, et on est tous un peu en train de se dire, mais on n'en fera rien. Et comme ça, un entre-deux, le piège de Formica que vous décrivez dans une des chansons, dans Son et Lumière, je crois. Ouais. C'est un peu ça. Et pour moi, il y a une formule qui est... Après, j'arrêterai de parler, mais il y a une formule qui résume un peu ça. Cette éternelle frustration dans laquelle on nous tient entre... on désire quelque chose et puis on se dit en même temps à quoi bon l'avoir, enfin tout est disponible mais qu'est-ce qu'on en fera, tout est possible mais est-ce qu'on va le faire. C'est vraiment toutes les chaînes du monde et pas d'écran plat. Je crois que c'est l'écrivain. C'est Philippe Basset qui dit ça justement dans le temps des Lilas. Oui. Ouais. Et je voulais savoir si ce sentiment vous aviez voulu le décrire ou si vous êtes tout simplement d'accord avec cette atmosphère de vis-à-vis de l'époque. Si, moi je n'étais pas conscient, c'est-à-dire quand je fais un disque comme ça, c'est justement, c'est des choses que parfois je peux ressentir, mais d'une façon un peu confuse. Mais en tout cas, j'avais l'impression effectivement qu'on est à une période qui est à la fois où je trouve qu'effectivement, je trouve ça assez triste qu'on nous explique dans plein de domaines que tout a été fait, qu'il n'y a plus rien à faire, alors qu'on a l'impression quand même qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qu'on pourrait essayer d'améliorer. Ouais. Mais c'est dans le domaine artistique depuis longtemps, parce qu'on nous tient un discours où finalement c'est plus le projectionniste qui est plus important que le film maintenant dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est pas la personne qui fait, mais c'est la personne qui choisit. Ouais. Que ça soit dans l'art, dans la musique, dans tout ça, il y a ce côté, le curateur, et je trouve ça extrêmement déprimant de se dire ben non, tout est enfin c'est cet état d'esprit, et en général, c'est vrai, on est dans une période où il se passe des choses qui sont quand même assez intenses, on peut dire, assez excitantes, et en même temps assez dures, assez violentes. Et face à ça, ben je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être pleines de bonne volonté, mais on ne sait pas du tout quelle forme, qu'est-ce qu'on peut faire pour, je sais pas, pour donner un sens à ce qu'on fait, essayer de faire des choses bien. Bertrand, il y a au moins une chose que l'on peut faire, c'est changer ses habitudes, changer ses habitudes de consommation, changer ses habitudes de créativité. Et dans les mots à la bouche ce soir, nous ne faisons rien comme d'habitude, car nous buvons un petit peu de vin, il faut l'avouer, mais ce n'est pas le clou de la soirée. Théo va nous en dire quelque chose. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Alors oui, effectivement, pour notre dernière de la saison, nous avons décidé d'être bien sages. Les habituelles bouteilles de pinard qui avaient tendance à encombrer notre studio ont été remplacées par une élégante théière qui fume et embaume l'atmosphère, distillant un air apaisant autour de la table. Certes, j'ai plusieurs fois encensé l'ivresse que procure le jus de la vigne et je ne me ferai pas passer ici pour un buveur d'eau, d'huile chaude et infusé de feuilles de thé. Pourtant, je peux déjà signaler d'abord qu'au réveil, il m'arrive bien plus souvent d'avaler un bol de thé vert qu'un grand verre de rouquin. De même qu'à 16h, je m'offrirai volontiers une tasse de Genmaicha, voire de Sencha avec quelques biscuits, plutôt qu'un bon jaja. Bon, vous me direz, il est 20h, nous allons manger, est-ce que tu n'essaierais pas de nous enfumer ? Non, je contextualise, c'est tout. Et ensuite, j'ai envie justement de vous parler d'un dîner. J'ai déjà cité ici, me semble-t-il, l'avant-comptoir, où avec quelques camarades pas trop apeurés par le goulot, dont certains font même profession d'écrivain, mais c'est pas le moment de donner des noms, nous allions festoyer à grands coups de canon, naturel s'il vous plaît. Chez Yves Camp de Borde, c'est bien ça. Ce bar à hors d'œuvre appartient au chef que la télé a rendu célèbre, Yves Camp de Borde, voilà, mais qui était brillant avant, un palois à l'accent du sud-ouest, frère de charcutier et ripailleur sans vergogne. Et pourtant, c'est bien chez lui, dans son resto avoisinant son QG, notre QG, pardon, enfin son avant-comptoir, que j'ai été invité à un repas autour du thé. Chaque plat, de l'amuse-bouche au dessert, avait été concocté dans l'idée d'un accord avec la boisson chaude. Accompagné d'une spécialiste, le chef nous présentait viande, poisson et légumes, et le mariage de thé vert, noir, rouge, d'Inde, de Chine, du Japon, en feuilles, en bourgeons, infusé 2, 3, 4, voire 10 minutes à des eaux à 70, 80, 90 degrés. La subtilité est immense, la richesse aromatique est apparue d'elle-même, et le vin que je pensais regretter m'est sorti de la tête. Le repas m'a paru plus lent, plus calme, laissant les saveurs se dévoiler chacune à leur tour. J'étais plus attentif à ce que je mangeais. Cette expérience restera longtemps dans ma mémoire, d'autant qu'avec le thé, je ne crains pas les trous de mémoire. Et que ça a été une expérience plutôt unique, non ? Les mots à la bouche. J'en ai eu une deuxième, mais qui avait été moins concluante. Mais c'est plus, je crois, le choix du thé qui était moins bon. Le whisky, le thé, oui. Oui. Alors, Olivier François, vous êtes également un fervent admirateur. Vous voyez, Bertrand, vous arrivez ici en terrain conquis. Oui. Et oui. Je crois que vous êtes allé voir Bertrand Burgala en concert il y a 3 semaines. Je regarde un souvenir ébloui, évidemment. Oui. Ce qui m'avait marqué, d'ailleurs, c'est de voir que... vous savez, parfois sur Bertrand Burgala, et ça dure encore, on a parfois des clichés, le dandy pop, le maître du easy listening, etc. Et moi, j'ai plutôt eu l'impression, en assistant à son concert, d'assister à un concert de James Brown. C'était très funk, il y avait des chœurs merveilleux, aussi beaux d'ailleurs qu'efficaces, et on dansait. Voilà, et on n'était pas en train de se regarder en dandy pop. Oui. On dansait beaucoup. C'était un concert à Paris. Vous avez toute une tournée de prévu, Bertrand ? Pas du tout. Non, non, mais j'aimerais bien faire d'autres concerts parce que j'ai beaucoup de plaisir à jouer, mais je suis pas, faut pas trop me surestimer. Je suis pas très hyper demandé. Oui. C'est les limites du dandisme pop, l'image. Non, mais voilà, et c'est comment dire. Et même si j'insistais pour faire des concerts, c'est une économie qui est quand même compliquée. À chaque fois, je remplis pas les salles, mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer. J'espère quand même à l'automne faire d'autres dates à Paris et ailleurs. Oui, au moins une tournée française, ouais. Comme quoi, il y a un impératif économique, il y a des demandes qui sont similaires, que ce soit par rapport à la musique que par rapport à la littérature. Et je crois que, justement, vous êtes un des rares compositeurs français, un petit peu à la Jean-Louis Murat, vous êtes pleinement ancré dans une dimension littéraire aussi, à la fois par vos amitiés. Je crois que vous avez été notamment l'ami de Jacques-Alain Léger, qui lui-même a été chanteur, lui-même a été écrivain. Et est-ce que pour vous, ce sont deux mondes, justement, qui cohabitent intimement, où d'un côté il y a la littérature, de l'autre la chanson? Bon, pas nécessairement, mais moi je trouve que l'intérêt de la musique, enfin c'est pas l'intérêt, mais je trouve qu'à travers la musique on peut faire des rencontres, justement à travers les textes, à travers les pochettes, à travers les vidéos, à travers la musique de film. On n'est pas obligé, une ville comme Paris, c'est une ville qui est très cloisonnée. Alors que la chance qu'on a quand on habite dans une grande ville, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui sont pas comme nous, qui pensent pas comme nous, qui ont pas la même activité. Mais en général, on a tendance à se regrouper par milieux sociaux et culturels. Donc moi, ça m'intéresse évidemment en tant que lecteur. Mais ceci dit, j'aime pas du tout, par exemple, dans la musique. Parfois, il y a une certaine littérature qui se pique de rock, par exemple, avec un côté un peu condescendant, comme elle se pique de football. Et je trouve, en général, ça ne donne pas des choses très intéressantes. Et surtout chez Bertrand Burgala, me semble-t-il, c'est que le goût du texte, ou les gens qui écrivent pour vous, c'est pas du remplissage, en quelque sorte. Parfois, il y a un cliché de la chanson à texte, vous savez, où la chanson à texte vient remédier à une absence de talent musical. Et c'est, à mon avis, vrai, par exemple, pour une certaine nouvelle musique française. Et chez vous, Bertrand, votre texte appelle aussi des harmonies, appelle une ambiance musicale, appelle des arrangements. Mais voilà. Ça me fait plaisir. Disons que pour moi, les textes et les auteurs, c'est quelque chose. C'est une joie de travailler avec des auteurs de talent et ce travail collectif. Pour moi, en ce qui me concerne, il est très important, même s'il y a des morceaux où je fais aussi parfois les textes. Mais quand je peux travailler avec d'autres, quand je peux travailler avec d'autres, je trouve que c'est un grand plaisir. Et pour moi, en tout cas, un disque comme ça, c'est un disque qui est à la fois très personnel, mais c'est pas un disque de personnalité où j'essaie pas de faire coïncider. Bien sûr que je suis en accord avec ce que j'exprime, mais c'est pas un disque qui est autour de moi. Oui. C'est pas chaque parole, pour moi, elle est plus universelle. Les choses qu'on ne peut dire à personne, on est tous concernés par ça. C'est pas, il n'y a pas. Les choses qu'on ne peut dire à personne. Est-ce que l'album est venu de cette phrase ? Non, titre est. J'avais pensé à d'autres titres d'ailleurs pour l'album, mais ce titre qui vient d'une des chansons, je trouvais qu'il décrivait bien l'album au sens où, non pas dans ce que dit ce texte, mais pour moi, un disque, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Un disque, c'est ce qu'on n'arrive pas à dire autrement. Moi, il y a plein de choses dont j'aime beaucoup parler sur la société dans laquelle on vit, mais si je peux arriver à le dire sans emmerder les gens avec une chanson, je préfère le dire carrément. Et qu'on exprime du coup avec à la fois une alliance texte et musique. Ouais. Voilà. Mais si une chanson. Et en plus, je trouve délicat. Et j'étais heureux d'arriver parfois à parler du monde dans lequel on vit, sans, j'ai toujours peur de l'aborder parce que j'ai tendance à être assez grincheux et négatif. Et donc, je veux pas être une espèce de d'imprécateur qui va décaniller la société et voir tous ces travers merdiques que je suis assez... Enfin, je peux les voir. Hein. Mais je trouve qu'une chanson, on doit aller plus loin que ça et essayer de survivre à l'époque. Mais une chanson a également peut-être une vocation de poème. C'est ce qu'on trouve parfois, je trouve, en vous écoutant. Et je me demandais si ces textes pourraient avoir une vie autonome ou est-ce qu'ils prenaient vraiment toute leur saveur, tout leur sens par un habillement musical. Moi, je trouve que je trouve que c'est une des merveilles. Je suis pas un militant de la pop, mais ce qui est beau quand même dans la pop anglaise en particulier, c'est qu'il y a des gens, ça abolit la frontière avec la poésie, et c'est qu'il y a des textes magnifiques qui peuvent être lus par eux-mêmes, des chansons, et en particulier dans une société qui est quand même une société de caste comme la société anglaise, de voir ces adolescents qui venaient de milieux populaires en général, qui ont fait des choses et qui ont écrit des textes absolument merveilleux. Oui. Et un parolier qui est souvent sous-estimé comme ça, c'est Mick Jagger. Et il a fait des paroles géniales. Bah, évidemment, Ray Davies, des gens comme ça, Brian Ferry. Et je trouve que ce truc où il y aurait une espèce de il y aurait la poésie et puis des paroles de chansons, pas nécessairement, mais en même temps, il y a des paroles. Il peut y avoir des poèmes vraiment sans intérêt. Et idem pour des paroles de chansons. Oui. Olivier François, vous êtes venu à la musique de Bertrand justement par amour surtout des textes ou de l'aspect musical. Surtout, je pense aux albums que vous avez fait avec Aes Dragon, Bertrand, où il y a quand même beaucoup de morceaux aussi où c'est purement musical. Moi, pour préciser les choses, avant de découvrir Bertrand, je n'écoutais que du jazz. Et en plus, plutôt du free jazz. Oui. C'est une période très free jazz. Et je dois vous avouer que c'est en Noël 2000 ou 99, je ne sais plus, on m'avait offert The Son of Music, qui est un de tes premiers albums. Sous mon nom, ouais. Voilà, exactement. Et j'avais découvert ça avec enthousiasme. Et je me dis, ah bon, il y a aussi de la pop musique qui peut m'intéresser. Et j'ai trouvé ça très agréable avec ses chœurs, avec ses textes. Oui. D'ailleurs, des textes, on y reviendra peut-être, un peu mélancoliques, je pense, oui, notamment. Oui, et bien, justement, avant ça, nous allons faire une petite. Une offre à nos auditeurs en leur faisant écouter Diagonale du Vide, qui n'est pas la plus joyeuse de cet album, mais qui est, à mon sens, une des plus belles. Diagonale du Vide, qui est le quatrième morceau de votre nouvel album, Bertrand Burgalade, Les choses qu'on ne peut dire à personne. Les paroles sont de Mathias de Bureau et la musique, bien évidemment, de vous. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre train de la cité desservira la gare d'Argenton sur Creuse avant de descendre. Assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que la descente du train est impérativement effectuée sur le quai. Et l'arrêt ne tente en aucun cas de descendre dans ce train. De territoire à faible densité, une beauté locale sur un écran tactile. Des femmes sans hommes, rêves d'enfants, de forêt, désir à forte intensité dans le désert français. Elle m'a donné rendez-vous sur le parvis d'une nouvelle cathédrale de la consommation. Elle m'a dit, tu verras, scintille à son fronton, un point américain serti dans un néon. Zéro signal dans ma diagonale. Zéro signal dans ma diagonale. Aucune ville aux environs, aucune voile à l'horizon. J'entends sonner les cloches d'un clocher disparu, disparu. Disparu. Où sont les saints de glace et les lièvres de Pâques, les reines de mai et les feux de bûcher? Il n'y a que la pluie, le vent et ses officiants. Zéro signal dans ma diagonale. Zéro signal dans ma diagonale. Une bande de territoire à faible densité, des bases de loisirs et des rideaux de fer. Un silence absolu, sauf le bruit de mes pas. Sur la matière lumineuse qui me gît dans la paume, je lis ces mots en lettres de lithium, sans rancune, et à bientôt. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Webset Radio, sur le plateau des mots à la bouche, en train d'écouter Bertrand Burgala, venu pour honorer cette dernière cuvée des mots à la bouche. Jean-Pierre Montal, on était justement en train de parler de ce morceau qu'on vient d'écouter, Diagonale du vide, que je trouve, je ne dirais non pas triste, mais du moins assez mélancolique justement. C'était une sorte de voyage. Oui, personnellement, c'est pas celui que je trouve le plus mélancolique, le plus triste même, parce qu'il y a quand même quelques morceaux assez triste comme ça. En revanche, la mélancolie, je trouve qu'on peut en parler aussi dans la musique. Moi, il y a un instrument qui m'a fait basculer dans le disque, en fait, après l'avoir écouté, particulièrement sur 36 minutes et puis d'autres morceaux. Je n'ai pas eu l'impression qu'il soit dans beaucoup de vos disques. C'est la pédale style. On entend la pédale style qui fait vraiment avec vos textes plus les accords, qui fait vraiment la couleur du disque. Bah oui, j'en avais jamais utilisé. J'avais parfois utilisé de la guitare jouée un peu en slide comme ça, mais la vraie pédale style, c'est vraiment autre chose, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire et de la sortir, disons, d'utilisation purement country que j'aime beaucoup, hein, ça m'avait toujours plu dans la musique country. Il y a un côté vraiment spatial, alors que la musique country, elle est très terrestre. Ouais. On m'avait recommandé, en fait, j'ai un ami qui connaît bien, qui est le beau fils d'Eddie Mitchell. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit qui il faut. Il m'a dit, il s'est renseigné auprès de son beau-père et il lui a dit, Jean-Yves Lozac, c'est lui qu'il faut faire jouer en France. Pour un petit coup, Eddie Mitchell est un homme qui connaît bien la country, ce qui est un peu étonnant. Non, mais moi j'ignorais complètement. Peu le connaissent. Il enregistre là-bas et tout. Et alors, justement, est-ce que vous avez ce rapport spatial, mais aussi physique, parce que vous l'avez dans vos textes, mais lorsque vous composez, lorsque vous écrivez, dans quel état d'esprit devez-vous être? Par un mouvement perpétuel ou un état d'âme, un état d'esprit? Bon, c'est très variable. C'est très variable parce que les morceaux, ils se font de façon très empirique. Il y en a qui se font au piano, d'autres, on peut... Enfin, Il n'y a pas une situation en particulier et oui, j'ai pas de, j'analyse pas du tout ça. Je m'en rends pas compte dans quel état d'esprit. En fait, il y a plusieurs catégories parce que soit je pars d'un instrumental, c'est-à-dire je commence par la musique. Oui. Ce qui est le cas d'ailleurs, par exemple, à un titre comme Diagonale du vide, j'avais une musique et puis je demandais à Mathias de Bureau de me faire un texte. Mais une fois qu'il a fait le texte, je me suis dit, mais ça pourrait aller sur cette musique-là. Ça m'arrive assez rarement. Mais du coup, ça m'amusait en plus d'essayer de faire rentrer une mélodie, de trouver une mélodie qui aille sur une musique alors que ça n'avait pas été prémédité. Parce que parfois, on fait une musique, on fait une mélodie pour la voix. Mais là, j'ai fait rentrer un peu au chausse-pied. Et ça m'intéresse parce que ça m'évite d'aller vers quelque chose qui est trop systématique. Oui. Mais parfois, je pars au contraire du texte, et quand un texte a une certaine musicalité, bah, tout de suite, ça inspire quelque chose quand même. Je vais vous embêter encore un petit peu, Bertrand, mais pourquoi ne pas écrire sans musique? Pourquoi ne pas passer au roman, par exemple, ou ne pas passer à la poésie pure jus, écrite, littéraire? Parce que j'ai pas du tout ce talent-là, j'ai aucune imagination romanesque. Moi, Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il peut y avoir de merveilleux, de fantastique ou autre, mais dans le monde réel. Oui. Donc j'ai pas du tout cette imagination là. Et puis je trouve que la musique, c'est quand même quelque chose d'assez génial. Enfin moi, j'aime écouter de la musique. Donc et je trouve que voilà, je serais incapable de, non seulement je serais incapable, je pense, d'écrire un roman, de raconter une histoire. Basile et machin se sont vus, ils sont allés. J'ai pas ce truc-là et je respecte. Enfin, ça m'intéresse, mais voilà, ça. Oui. Olivier, dites-nous. Je voudrais parler de la mélancolie, parce que ce terme a été beaucoup employé. Et il y a beaucoup de textes mélancoliques dans le dernier album et peut-être même le moins, mais c'est le moins parce qu'il y a peut-être plus d'énergie dans d'autres. J'ai fait par exemple The Sound of Music était beaucoup plus était très triste, mélancolique. Mais c'était un côté solaire, mais en même temps. Alors cette mélancolie, elle vient d'où ? Alors moi, j'ai une chose. J'ai posé une question parce que je me souviens d'un entretien que tu avais donné à France Culture où tu parlais d'un documentaire qui s'appelait À la mémoire du rock, je crois. Ouais. Et ça m'avait marqué comme quoi, enfin, c'était un documentaire qui est fait en 62, donc le rock n'est pas mort en 62, comme si tout commençait et tout mourait très vite pour toi, en quelque sorte. Oui, mais À la mémoire du rock, c'est un très beau film de François Reichenbach, qui filme un concert au Palais des Sports en 61. Et c'est vrai que je le cite souvent parce que le film est extraordinaire. C'est quelques minutes, mais 12 minutes, fantastique. Mais je trouve le titre intéressant parce qu'effectivement, ça montre qu'en 62, quand ce film sort, les gens considéraient que le rock était une vague qui était en train de mourir. C'était avant que les Beatles reprennent le flambeau, au moment où ils vont le reprendre, mais en repartant de 55. C'est pour ça que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette musique, elle a toujours été sur un culte de la nouveauté, mais les gens qui ont vraiment fait avancer le rock, c'était des gens très respectueux du passé. Et que ça soit les Stones avec le blues, les Beatles avec Eddie Cochran. Et je trouve que c'est pour ça que, disons que ce soupçon toujours de passéisme sur ce que je pouvais faire, j'ai toujours assumé, au sens où je pense que si on veut essayer justement de pas répéter un certain nombre de choses, la première chose c'est de dire ses admirations, et c'est quand même un des plaisirs de la musique ou dans d'autres domaines de mettre en avant les choses qui nous influencent, et c'est le seul moyen de pas les recopier servilement. Il y a une chose, il y a tout un processus qui est à peu près pareil en gastronomie, justement, de ne pas oublier ce qui se fait avant. On va pouvoir innover un petit peu. On va, comment on dit, on réinvente, on va revisiter le cassoulet. Exactement. Nous allons passer à la ratatouille. On assure le fruit. J'écoute. Salade of tomatoes. Et entrecôte bordelaise. Avec du Coca-Cola. Oh non. Oui, Beaujolais nouveau. Bon, vous avez reconnu, j'imagine, Bertrand. Ben oui, c'est Louis de Funès dans Les Jouets. Exactement, ouais. Théo. Oui, alors donc effectivement, je vais vous parler de ratatouille. Alors pas du tout de ratatouille revisitée dans quelque chose de tout ce qu'elle a de plus traditionnel. C'est pas évident parce que il en est autant que de famille. À peu près, il y a peu de plats qui sont aussi emblématiques que de la cuisine familiale, qui se transmet ainsi de génération en génération et qui se mange les dimanches d'été quand le soleil est bien installé et que les plus beaux des légumes en sont nés, ronds, chargés de soleil. Il y a dans le nom beaucoup de prosaïsme dans le nom de la ratatouille et en même temps un potentiel poétique assez puissant. On passe à la tambouille, au rata, on twist, ça accroche, on remplit la casserole, elle déborde, on gratte, on tâte, ça grouille. Le mot commence comme une salve de fusil mitrailleur et finit en bouillie. C'est aussi le rythme du plat. Il commence par le claquement répété et méthodique sur la planche à découper. On taille les oignons, les aubergines, les courgettes, les tomates. Puis on les fait revenir et le claquement se change en crépitement quand les légumes touchent l'huile d'olive bien chaude. Et cela se termine par un gloutement discret du mélange dans la marmite. Avant de former ce mélange final, il convient de faire dorer séparément chacun des légumes selon un ordre relativement logique. Les oignons ouvrent le bal, ils vont dorer et apporter leur saveur sucrée à la suite de la préparation. Viennent ensuite les aubergines, le plus dense et le plus solide des ingrédients qui devra cuire longtemps et lentement dans le faitout. On ajoute ensuite les courgettes, plus tendres, en tranches, plus fines, et les tomates en dernier, gorgées d'eau qui se délitent rapidement à la cuisson. J'ai oublié les poivrons, parce que je n'en mets pas forcément. Si je devais le faire, j'ajouterais après l'aubergine, en ayant pris soin de le couper en petits morceaux pour qu'il fonde au milieu des autres légumes. Les variantes se jouent là. Un ingrédient de plus, de moins, des proportions différentes, et aussi dans la découpe, en rondelles ou en cubes. Quelle que soit sa version, on l'accompagne volontiers d'un poulet Mais surtout, surtout, on en savoure les restes le lendemain, réchauffés sur le feu, avec un œuf au plat et quelques grains de semoule. Quelques grains de semoule, merci Théo. Les mots à la bouche. Vous avez un accent toulousain aussi, toujours aussi, aussi impeccable. Mais j'espère qu'il est encore plus marqué quand je parle de ce genre de plat du Sud. Alors Bertrand Burgala, vous venez de Corse, du moins vous êtes né en Corse, à Bastia. Oui, mais en fait je suis plutôt de... au sud de Toulouse. Au sud de Toulouse, bah, vous voyez, on est tous à peu près du coin. Est-ce que vous avez un lien à la gastronomie justement assez fort? Est-ce que... Pas du tout. Non, absolument pas. Non. Parce qu'il y a un livre que vous avez écrit justement sur le diabète, ouais. Car vous en souffrez. Est-ce que ça impacte justement sur vos habitudes alimentaires, vos habitudes par rapport au sucré et salé? Oui, parce que dans le diabète, en tout cas le diabète insulino-dépendant comme le mien, qui touche disons 5% des diabétiques, mais je pense que pour l'autre aussi, il y a une notion, ça dissocie totalement l'alimentation et la notion de plaisir, puisque chaque fois qu'on, en tout cas un diabétique comme moi, chaque fois qu'il mange quelque chose, il doit se piquer en général. Et donc, on a un rapport à la nourriture qui est assez brouillé par ça. Mais non, mais je trouve ça très intéressant et j'ai beaucoup picolé. J'ai fait un peu n'importe quoi avec mon diabète. Et comme je suis excessif, maintenant, voilà, je bois plus, mais je suis sympathisant, on peut dire. Oui. Jean-Pierre Montal, vous êtes écrivain. Je crois que vous apprêtez d'ailleurs à publier un nouveau roman dont on reparlera en fin d'émission. Est-ce qu'il y a un réel lien justement pour vous? Parce que c'est un lien qui est presque devenu mythique. Mais est-ce que les écrivains mangent encore? Est-ce qu'ils ont de la mâchoire? Est-ce qu'ils picolent? Ou est-ce que c'est juste un petit verre en Si j'en juge par les notes de frais de ma maison d'édition, oui. Il y a encore quelques gros mangeurs. Mais vous-même? Moi je suis un peu le mauvais client. En fait, pour être tout à fait honnête, je peux tout manger. Mais vraiment tout, sans discernement. Bon, parfois, il y a des choses que j'aime beaucoup, donc je suis très content, c'est un très bon plat. Mais je peux effectivement un peu tout manger. Même le goulash. Ouais, même le goulash, je peux aller jusque-là. Après, je dois dire que c'est passé un petit fait un peu... Je ne sais pas, vous qui connaissez vraiment la gastronomie, vous allez dire que c'est une tarte à la crème, mais je trouve que depuis 10 ans, toute une génération, hein, je prends des grands mots, mais on ne peut pas sortir sans que quelqu'un vous explique pendant 10 minutes le plat que vous mangez, vous savez, et plein de commentaires comme ça. Un peu comme une œuvre d'art, justement. Voilà, qui vous dit le produit vient de... Alors, c'est peut-être aussi que je suis localisé dans un endroit de Paris où c'est devenu une région sécularisée, c'est la nouvelle religion. Pigalle, c'est ça. Voilà, donc, mais j'avoue que il n'y a pas si longtemps, on m'a commenté la bière que j'avais commandée pendant 5 à 6 minutes et bon j'étais un peu perdu par ça. Je me dis qu'il y a toujours je suis désolé, hein, c'est pas du tout une attaque bête, hein, mais il y a toujours un peu mieux à faire que de commenter la bière qui effectivement m'a paru très bonne, mais voilà, moi je suis un peu le mauvais client pour ça. Mais après, bien manger, comment vous dire, une fois qu'on sent quelque chose dans sa bouche et qu'on se dit c'est vraiment, cette saveur est exceptionnelle, c'est incontestable, quoi. C'est comme un moment où un film ou un livre vous prend, vous dites oui, il n'y a pas de problème, moi je reconnais ça et j'apprécie ça. Mais c'est vrai que, alors ça je ne sais pas si Bertrand Burgala sera d'accord avec moi, mais... Je suis d'accord, mais je suis même contre le fait que la nourriture soit trop bonne, parce qu'après je ne sais plus m'arrêter. Oui. Donc voilà, il ne faut pas que ça soit trop trop bon quand même. Est-ce que vous avez des péchés, des vices? Parce que c'est vrai que... Où trouvez-vous l'ivresse, Bertrand Burgala? Uniquement dans l'art. Je trouve que, les plaisirs, disons, de la bouche, comme ça, ils sont tellement fugaces, quand même. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu difficile, cette religion qu'on connaît, très bonne dégustation. Alors, on va vous montrer des photos avant de se manger. Chez Ducono, tout ça. Mais en plus, dans la musique, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le petit label, le petit disque de producteur. On va vous faire écouter un truc, c'est pas très connu, mais ça existe aussi. Un petit pinard qui aide la cuisse. Il y a ce truc-là, et en même temps, je respecte cet artisanat, et quand c'est fait avec beaucoup d'engagement, je trouve ça... Il ne faut pas trop ironiser dessus. Oui. Et c'est vrai que... À Paris, c'est un peu compliqué maintenant. Mmh. C'est difficile de trouver un endroit où on va manger un truc normal. Oui. Un truc. Théo, dites-nous. En fait, là, ce que vous critiquez beaucoup, c'est effectivement cette image que prend la gastronomie, un peu cette façon d'en parler, cette intellectualisation, cette façon pédante qu'il peut en avoir. Je vous avoue qu'elle me dérange également et que moi, l'approche que j'essaie d'avoir, en tout cas de la cuisine, c'est cette approche de plaisir, de partage, de simplicité. Qui me semble en fait originelle et indispensable et qui finalement n'existe pas. Par exemple, chez moi, dans les Pyrénées, il y a on a beaucoup de mal maintenant à s'alimenter. C'est-à-dire que tous les restaurants ont une espèce de folklore complètement factice. C'est-à-dire que dès qu'on passe Toulouse, justement, ils servent du cassoulet, alors qu'il n'y en a jamais eu dans le Comminges, ou c'est la salade de gésier, ou le magret de canard, et on n'arrive pas du tout à manger ce qu'on pouvait manger avant. C'est la folklorisation, en quelque sorte, de la gastronomie aussi. Oui, enfin, et le discours qui vient écraser la réalité, en quelque sorte. Ouais, c'est deux phénomènes distincts, effectivement, ce rapport au folklore qui est assez. Et pour faire le lien, peut-être pour faire le lien avec la littérature, c'est la glose, c'est le commentaire qui remplace la jouissance. En littérature, surtout en France, on a tendance à parler de choses extralittéraires. Oui. On va parler d'un écrivain davantage pour ses mœurs ou pour ses engagements politiques que pour ce qu'il écrit. Ce qui est intéressant, c'est la jouissance. En même temps, les émissions autour de la gastronomie, je trouve ça fascinant parce que c'est de l'illusion d'optique géniale. À la radio, mais à la télévision aussi, il y a des gens qui parlent d'un truc, une musique, à la télé, on peut l'écouter, on peut se faire une idée, mais là, quand ils sont là, ils disent bon, le dressage là était bien. Eh bien, justement, etc. Une chose, messieurs, vous ne donnez pas du vôtre, attaquez la ratatouille qui vous attend en plein milieu de la table. Vous avez fini vos melons, vos thés. Nous avons une ratatouille en plein milieu de la table. Moi, j'ai une question pour Théodore, par contre, c'est d'où vient le terme ratatouille ? Parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas, comme verre, chaise, chien, chat, cheval, etc. Et ratatouille. Pourquoi le mot ratatouille ? Ça vient d'un petit rat, je crois, qui était dans les bas-fonds de Paris. Non, en plus, je suis embêté parce que je l'ai regardé pour cette chronique. Donc on ne fait pas tout le mot ratatouille. Si, c'est un terme. C'est un terme occitan. Ça vient de l'occitan et ça veut dire ragoût en fait. Ouais, voilà, c'est. Et d'où vient le mot ragoût? Alors là, par contre, je ne suis pas remonté jusque-là. C'est un problème. Mais c'est effectivement, c'est un terme qui veut dire. C'est de là qu'est venu le rata aussi. C'est le mélange, en fait, de différents ingrédients, comme ça, et qui donne la tambouille, le ragoût. De toute façon, on est toujours dans l'aventure pour rechercher les mots. Parce que tu as parlé de mélange. D'où vient le mot mélange? Je sens que vous allez nous le dire, Olivier. Donc c'est terrifiant. Pour inviter Philippe Barthelet. Oui, sans doute. Je c'est ça. Je voudrais, messieurs, qu'on revienne un petit peu à la gastronomie et je vous réinvite à vous servir de la ratatouille. Justement, dans votre critique, Bertrand, il y a comme justement une petite critique des coutumes qui se font maintenant. Et je sais qu'il y a un écrivain dont le nom m'échappe, qui a forgé le mot mécontemporain. Est-ce que vous verriez comme un mécontemporain, justement? Oh non, c'est Alain Finkielkraut. Je crois qu'il l'a pompé sur un autre, peut-être un peu plus illustre, mais est-ce que vous vous sentez comme un mécontemporain qui vit dans cette contemporanéité et qui en profite et qui l'a créé lui-même par ses œuvres? Oui, mais enfin, je dois l'être parce que donc j'ai quand même une capacité de négativité qui est assez importante, mais je veux pas trop cultiver ça. Par exemple, c'est marrant parce que il y a une chanson que j'ai pas enregistrée. Mais j'avais envie de faire ça à un moment, j'avais demandé à un ami, Pierre Robin, de faire un texte sur le fait de... Enfin, je trouve qu'il y a une dictature de la coolitude, du cool, et je voulais faire une chanson qui s'appellerait Pas Cool. Mais en fait, Pierre fait des très bons premiers jets, mais après, il refuse complètement de changer quoi que ce soit. Et c'était un peu... C'était un peu facile, disons. Enfin, je me disais, on aurait pu, mais j'ai pas trouvé la bonne formule, la bonne façon de formuler ça. Oui. Mais oui, enfin, dans chaque période, il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses agaçantes. Quelle est la chose qui vous agace le plus en ce moment? Et après, on repartira vers un peu plus de joie, avec notamment une belle surprise musicale. Je sais pas. Il y a plein de trucs qui m'agacent, mais j'arrive pas. Là, je. Il n'y en a pas une à l'instant, là, en particulier. Si j'ai bien lu, certaines, une de vos interviews récemment, je crois qu'on partage un énervement, qui est sur l'omniprésence de la musique dans les lieux publics, qui est un vrai problème. Oui, bien sûr. Particulièrement dans les restaurants, pour faire le lien. Dans les restaurants, oui. C'est vrai qu'Alain Pocard a été un pionnier là-dessus. Qui a formé le club des Ronchons. Ouais. Alors, parce qu'il y a déjà 20 ans, au moins, ou 25 ans, il luttait déjà contre la musique dans les restaurants. Alors ici, nous ne sommes pas au restaurant, heureusement, nous sommes au bistrot et nous avons une très belle surprise pour vous, Bertrand Burgala, car j'ai Alexandre Nantas qui est ici et qui va nous interpréter un répertoire au choix. Alexandre, dites-nous. Russe. La chanson russe. Chez les Tziganes. Une. Bon, oui, on va chercher du côté des Tziganes, de Dimitrievitch, Polyakov. Encore une radio et tout financée cet univers par de la Kessel. Donc voilà, on va essayer de faire ça là-dessus. Mais quel Tziganes? Parce que Tziganes, tu sais. Ah, bah, les plus grands des Tziganes, il vient de nous le dire, qui étaient justement des amis de Kessel. Et Kessel a fait un vinyle en enregistrement, Dimitrievitch. Qui est un vinyle absolument super. Ouais. Ah oui, absolument. Ouais. Ouais. Поговори хоть со мной, гитара семиструнная. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Эх, раз, еще раз, еще много раз. Басан, басан, басана, басана, тучка моя. Чеберяк, чеберяк, чеберя, тучка моя. Две гитары зазвенев, жобно занили с дьязво, память не напев, охмели это тили. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Эх, раз, еще много раз. Басан, басан, басана, басана, тучка моя. Чибиря, чибиря, чибиря, течка моя. Поли маки, васильки, васильки, глаза твои. Маки, маки, губы красные твои, любимые. Эх, раз, еще раз, еще много раз. Эх, раз, еще раз, еще много раз. Басан, басан, басана, басана, точка моя. Чебряк, чебряк, чебря, точка моя. Эх, раз, еще много раз. Эх, раз, еще много, много раз. Эх, раз, еще много раз. Les mots à la bouche. Un grand merci Alexandre, vraiment un grand merci, c'était absolument splendide. Ouais. Voix surprenante, hein. Ouais. J'oserais même vous en demander une autre si vous avez le temps. Je sais qu'on va aller plus loin qu'une heure, mais si vous êtes partant, si vous êtes si également vous avez partant, temps, Bertrand, une autre, c'est possible. Ce serait grand plaisir parce que je suis absolument dingue de ce répertoire tziganes russe, notamment grâce à Kessel. Nuit de prince, ça nous rappelle Nuit de prince. Exactement. Разлетали облени в груши, поплыли туман над рекой. Вихарила на брег Катюша, вихарила на брег крутой. Вихарила на брег Катюша, вихарила на брег крутой. Вихарила, песню заварила, про степного сиза ворла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, эти песня, песенка ревича, ты лети за ярким солнцем вслед, и бойцу на Наданным пограничью от Катюши с передок привет. И бойцу наданным пограничью от Катюши с передок привет. Пусть он по мне девушку просую, а любовь, как она пожжет. Ухарила на брег Катюша, ухарила с берега домой. Разветали яблони и груши, поплелись туман над рекой. Ухарила на брег Катюша, ухарила с берега домой. Ухарила с берега Катюша, ухарила с берега домой. Les mots à la bouche. Un grand bravo Alexandre Nordas, c'était absolument splendide. D'où vous vient cet amour du chant russe et surtout de la connaissance de la langue russe? Ouais. Alors, je suis né dans une famille qui n'a absolument rien de russe, mais qui avait quand même une mère qui avait un gros tropisme sur la musique russe et la Russie de manière générale. Donc j'ai baigné déjà dans une ambiance musicale qui avait des chants traditionnels russes. Et je me suis mis à apprendre le russe ensuite au lycée, au collège. Et accessoirement, j'avais appris à jouer de la balalaïka que je ne joue plus depuis bien longtemps maintenant. Et petit à petit, après, la guitare et le chant est venu plus ou moins naturellement. Donc voilà, j'ai encore quelques restes et toujours cette passion pour la musique, notamment la musique tzigane. Et tu as perdu ta balalaïka ? La balalaïka, j'en ai une chez moi, ça doit faire à peu près 5-6 ans que je l'ai pas touché, et déjà je ne jouais déjà plus à l'époque, enfin je prenais déjà plus de cours, donc à mon avis je dois être un petit peu rouillé, mais j'ai pas bien compris le rapport avec Joseph Kessel des chansons qu'on vient d'entendre. Parce que alors Kessel a écrit un remarquable livre dans les années 20-30 qui s'appelle Nuit de Prince, et qui raconte justement qui raconte l'émigration russe blanche qui s'implante notamment à Montmartre et qui fait de Montmartre un véritable village russe. Et à ce moment là il y avait des boîtes de nuit et des cabarets russes où notamment, là c'est la dramaturgie kesselienne, où une femme pleine de pureté, si vous voulez, arrive et tombe profondément amoureuse d'un ancien cosaque. Cosaque qui est assez peu scrupuleux, et pour ses yeux, elle finit dans une boîte de nuit russe, elle chante merveilleusement bien, mais ravagée par cette passion amoureuse, elle se prend d'amour pour l'alcool et pour d'autres substances encore. Bref, et c'est un bouquin. Et pour le ravage lui-même, c'est un caractère russe plein. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un répertoire musical qui vous touche, Bertrand ? Oui, bien sûr. Et je suis très touché aussi par la ratatouille. Je voulais signaler aussi. Franchement, je suis toujours épaté quand quelqu'un joue et chante avec une guitare, parce que je suis très mauvais à la guitare. Et je trouve qu'il faut beaucoup de sang-froid pour faire ça. Oui, mais encore un grand bravo en tout cas, Alexandre, parce que c'était absolument splendide. Et alors il sera en concert peut-être, non, prochainement? Bientôt, dans les mots à la bouche, à partir de septembre, ouais, très bien, une belle salle de concert. Bertrand, nous allons passer à une autre de vos activités, qui est l'activité qui concerne votre label. À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger, Tricatel. Tricatel, vous l'aurez reconnu, l'industriel justement qui tient les usines où on transforme du poisson en poulet. Dans L'aile ou la cuisse à nouveau. Je crois bien d'ailleurs que le nom de votre label vient de ce film. Oui, absolument. Et c'était d'abord une société de production et c'était un hommage au film de Claude Zidi, mais je ne pensais pas en faire un label, une marque. Et peut-être que j'aurais quand même réfléchi un peu plus parce que ça donnait tout de suite une couleur particulière quand même. Mais je ne regrette pas du tout parce que d'une certaine façon, ça a éloigné de nous, disons, des personnes un peu superficielles. Oui, qui auraient voulu que vous piochiez chez Bergman ou dans un grand cinéaste pour avoir un peu plus intellectuel, c'est ça. Exactement. Et puis je trouve que finalement, c'est quand même le vrai personnage sympathique de ce film, c'est quand même Tricatel. Oui. Du chemin, c'est cette espèce justement d'esprit. Interprété par Louis Tunès, oui. Oui, mais il est assez. Enfin, je trouve que Tricatel, avec ses poulets synthétiques, il est assez touchant finalement. Et c'est un rêve. Je le trouve plus touchant, d'ailleurs, comme le vrai Jacques Borel, plus intéressant que tout ce qu'il peut y avoir parfois aujourd'hui justement de snobisme autour de l'alimentation, des bons produits, oui. Et tout ça. J'en profite d'ailleurs pour dire à nos auditeurs que nous sommes en train de manger du riz au coco avec du poulet, qui ressemble certes un petit peu à une bouille, mais c'est là où je suis très en contradiction, qui ne ressemble pas du poisson, je l'espère. Ouais. Alors Bertrand, vous éditez vos propres albums chez Tricatel. Est-ce que vous éditez également d'autres artistes, et surtout, est-ce que vous êtes toujours en recherche de jeunes talents, comme on dit, il y a plein de concours qui sont faits pour ça? Non, parce que j'essaie d'en trouver le moins possible. J'essaie de trouver le moins de talent possible, parce qu'après on a une capacité de sortie qui est quand même très, très limitée, mais si on veut bien s'occuper de chaque projet, on peut pas en sortir énormément. Donc chaque fois que je tombe sur quelque chose qui m'intéresse, je suis très emmerdé. Oui. Parce que je me dis comment on va faire pour le sortir. Est-ce qu'on va pas le filer à un copain du coup, ou... Ça nous arrive de recommander, bien sûr, parce qu'on peut. Voilà, on a. Mais je suis très heureux. Ça a été beaucoup de soucis, mais j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. Et puis, c'est quand même une joie de pouvoir sortir des disques et qu'ils soient quand même de plus en plus compris. C'est très agréable. Oui. Jean-Pierre Montal, vous êtes éditeur. Est-ce que c'est un processus à peu près similaire? Je crois que vous avez monté votre maison d'édition. Vous l'avez co-monté. Oui, avec Marie David. Oui. Il y a quoi? Il y a quelques années? Il y a 5 ans à peu près? Ça va faire en tout, si on compte l'auto-diffusion et tout ça, ça va faire 7 ans. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos de Bertrand Burcala par rapport à Tricatel? Vous êtes dans la littérature, c'est tout à fait différent. Mais est-ce que vous courez justement toujours les jeunes talents, ou est-ce que vous avez un fil conducteur, une recherche particulière? Dans l'édition, on reçoit énormément. Alors, je sais pas si c'est pareil, si vous recevez beaucoup de maquettes ou de choses. Ouais, non, on reçoit énormément de choses, mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. C'est-à-dire que une petite maison comme la mienne, avec cette petite comme ça notoriété, et on sort 7 livres par an, vous voyez, c'est parfois presque moins, je reçois 3 à 4 manuscrits par jour. Voilà, alors face à ce déferlement, il faut adopter quelque chose, quoi. Oui. Il faut quelque chose qui soit assez juste vis-à-vis des gens qui écrivent un livre, qui vont jusqu'au bout. On achète un lance-flamme et qui voulons... Non, mais c'est vrai que c'est un vrai cas de, j'allais dire un cas de conscience, c'est peut-être un peu exagéré, parce qu'au bout d'un moment, on prend des décisions. C'est de toute façon toutes les activités artistiques partent un moment de est-ce que vous le faites ou est-ce que vous le faites pas. Mais moi, dans ce que vient de dire Bertrand Burcala, il y a quelque chose que je reconnais, c'est que nous avons été partisans, dans l'édition en tout cas, de lever le pied sur le nombre de sorties. C'était pas volontaire, parce que c'était de la trésorerie derrière tout ça. Mais à un moment, ça a été une exigence aussi. On s'est dit, à ce moment-là, en sortant 5, 6, 7 livres par an, il est hors de question qu'il y ait pas que ce ne soit pas un livre qui nous embarque totalement, enfin, oui, à un moment où on puisse vraiment le soutenir. Vous avez privilégié la qualité et la quantité. Pleinement. Enfin, la qualité, il y a plein de choses de qualité que je ne sors pas. Et puis moi, je crois que le métier d'éditeur aussi, c'est pas uniquement dire je fais que des choses que j'aime. Je crois que les grands éditeurs, ils sont capables de dire à un moment, j'aime pas trop ça, mais j'entends. Je crois. Oui, puis même ils entendent une voix qui n'est pas celle la leur, et puis ils disent je peux la défendre. Nous, on n'a pas ce. Alors ça simplifie des choses aussi. Voilà, vous voyez, je publie les choses que j'aime. Quelque part, parfois, je me dis c'est pas tout à fait de l'édition. Il faudrait élargir le spectre, publier des choses où je me dis c'est pas ce que je lirais, mais je sens qu'il y a quelque chose à exprimer. Il y a des très bons écrivains que je n'aime pas personnellement. Donc voilà. Quel? Non, mais c'est vrai, il y a des grands écrivains qui ne m'ont jamais touché. Ça, c'est... Et donc, je me dis toujours en disant oui, nous faisons ce qu'on aime, tous les gens applaudissent en disant c'est bien, vous faites ce que vous aimez, mais c'est aussi une vision un peu curieuse du. En tout cas, voilà, dans le fait de réduire, je comprends tout à fait. À un moment, il faut avoir une logique. C'est quand même un drôle de dosage entre trésorerie, ce que vous pouvez défendre, oui, ou pas. Voilà. Sûr, oui. Et alors, il y a un jeune écrivain qui, dans les années, quoi, si je dis pas de bêtises, 90 ou 80, qui a fait paraître un bouquin qui s'appelait Extension du domaine de la lutte. Si je ne me trompe pas, c'était chez un éditeur qui s'appelait Maurice Nadeau, qui a pris beaucoup de risques à l'époque. Je ne sais pas si le livre a été compris. En tout cas, maintenant, il l'est. Il me semble que Nadeau n'était pas super fan du bouquin. Tout à fait. C'est une illustration. Il n'était pas complètement convaincu, mais il s'est dit il se passe quelque chose dans ce livre qui était quand même en dehors de beaucoup de codes de la fiction française, qui n'était ni le roman d'amour classique, ni le roman psychologique. Oui. Voilà. Il y a une dose de cynisme et de percussion chez Michel Houellebecq. Théo Torresilas, vous appréciez Houellebecq, je crois, notamment ses poèmes. Eh bien, effectivement, oui, non, j'ai été très tôt, moi, séduit par sa poésie, alors, effectivement, par l'extension du domaine de la lutte, hein, d'abord, et puis je suis après arrivé à sa poésie. Et donc, c'est ensuite que j'ai découvert l'album que vous avez produit avec lui. Bertrand Burgala, oui, exactement. Bertrand avec lui, et où on retrouve des textes de ses poèmes du sens, ouais, du combat, qui sont des textes superbes et que vous avez réussi à mettre en musique, auquel vous avez apporté un rythme peut-être. Personnel, en fait, parce que il y a le rythme de Houellebecq, il y a sa langue, et puis ça s'intègre très très bien avec l'univers sonore dans lequel vous avez travaillé. C'est vrai que ça, c'est assez fascinant. J'aimerais bien savoir comment votre collaboration a fonctionné. Alors, ben, ça date d'il y a 22 ans maintenant. On s'est rencontrés en 95, et pareil, j'avais lu, grâce à Libé qui avait publié un extrait d'Extension, j'avais lu Extension, j'avais trouvé ça remarquable, mais. Et après, c'était ses amis à l'époque des Perpendiculaires, c'était Nicolas Bourriaud et Jean-Yves Joannet qui organisaient une soirée des Perpendiculaires. Ils avaient voulu qu'on fasse quelque chose ensemble, et donc je l'avais rencontré pour ça. Et puis on s'était dégonflé, moi en particulier pour la soirée, mais on s'était dit, on avait essayé de tenter quelque chose, mais on ne savait pas du tout quelle forme ça pourrait prendre. Oui. C'est pour ça que c'est un disque qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à se faire. Et je pense que c'est bien qu'il ait mis du temps, et ça me fait très plaisir aujourd'hui qu'il ait une forme de reconnaissance qu'il n'a pas du tout eu à sa sortie, parce qu'à la sortie il y a eu de la presse, parce qu'il commençait le succès, il venait de cartonner avec les particules quand le disque est sorti, mais c'était vu un peu de façon approximative comme Houellebecq chante alors qu'il ne chantait pas justement, et c'était une tentative de fusion de poésie et de musique. Il y a certains morceaux où il chante presque quand même. Ouais, moi j'appelais ça du rap mou à l'époque. Mais on sait. Non, mais il y a certains moments où sa voix s'envole où il suit une certaine mélodie. Il y a une musicalité, mais c'était pas une célébrité. D'abord, il n'était pas célèbre quand on l'a fait. Oui, et c'était pas une célébrité qui fait un produit dérivé. Mais là, en fait, déjà, vous aviez senti qu'en fait, c'était quelqu'un qui pouvait partir sur plusieurs types d'art, en fait, qui était. J'y pensais pas. Moi, je trouvais le personnage génial. Je trouvais super intéressant. Il était drôle. Je trouvais qu'il avait beaucoup de talent. Et on a été quelques-uns à essayer de militer pour qu'il soit connu aussi. Mm-hmm. Le premier portrait qu'il a eu dans Libé, les deux portraits qu'il a eu dans Libé à l'époque, c'était Marie-Dominique Lelief, qui est une très bonne amie. Et j'avais fait. On a essayé comme ça. Mais c'était, on savait pas du tout. Et je me souviens effectivement quand il était en train il allait sortir Les Particules Élémentaires, et je lui ai dit, je sens que ça va cartonner. Mais pour moi, ça voulait dire, je pense que tu vas en vendre 40 000. Ouais. Et en général, les gens font un peu leur chouchoute quand on dit ça. Ils disent, ah, je sais pas, et ça, et lui, mais oui, oui. Pourquoi pas, je pense qu'il était assez. Il savait ce qu'il faisait quand même. Ouais, c'est assez génial, c'est assez beau ça. Et alors, Bertrand, restons dans la poésie. Il faut que les éditeurs puissent visualiser un petit peu. Les plats sont à moitié vidés. Il reste peut-être un petit peu de thé dans les théières. Et Bertrand Burgala, vous avez un poème que vous avez photocopié pour qu'on ne sache pas. Oui, parce que qui est-il ? Mais vous m'avez dit ça ce matin. Et j'ai pas beaucoup de poèmes chez moi, mais c'est un poème qui s'appelle Vie, qui a été écrit par qui a été écrit par quelqu'un à 17 ans. Je vous dirai qui c'est après, c'est plus marrant. Je voulais que je le lise intégralement parce que, en fait, ce qui me plaît, c'est la dernière strophe. Ah, lisez-nous la dernière strophe si vous voulez. Directement. Si vous voulez commencer par la première, ce sera tout aussi bien. Bon, je me demande. Alors, c'est une traduction parce que ça a été écrit en anglais. Ah, un indice. Hein? Je me demande à quoi rime tout cela et pourquoi. Nous souffrons tant quand les choses se passent mal. Nous faisons de notre vie un combat et la vie devrait être un chant. Nos chagrins viennent et nous inondent comme une bruine sur la proue ondoyante d'un schooner de Gloucester, ou on dit Gloucester, je sais pas, à pleine allure, lorsqu'il glisse gracieusement sur la vague. Nos chagrins viennent et nous inondent, mais comme cette proue ondoyante, le vent nous prend et vient nous sécher, et nous allons vers d'autres vagues. Pourquoi la peine nous prend-elle quand nos compagnons disparaissent ? Ils ont juste laissé la morne élégie de la vie pour trouver une éternelle vie de chant. Quel est ce trait humain inné qui nous fait trembler devant une vie de chant ? qui nous attriste à la fin du voyage, quand le parcours souvent fut chaotique. Nous pleurons quand nous touchons la porte qui s'ouvre pour nous laisser entrer, qui nous apporte la paix éternelle et se referme sur le péché. Des millions sont passés avant nous, des millions viendront après nous. Pourquoi nous affliger et nous battre face au destin doux et sage ? Nous traversons une vie éreintante, une vie de malheur et de peine, une vie qui nous brise et nous ploie, et nous voulons la vivre encore. Voilà, et c'est de Ronald Reagan. C'est un poème qui a été publié dans son journal de lycée. Oui, mais pour ma part, je trouve ça très beau. Qui est une grande admiration, Ronald Reagan, de Bertrand. Oui, non, c'est, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Olivier François. C'est pas vrai tout à fait, parce que je comprends aussi l'admiration que vous pouvez avoir pour cet homme. Je suis un nostalgique de la période réganienne de la ND. Et alors, Bertrand Burgala, puisque nous avons eu droit à une petite devinette. Du virage réganien. J'aurais une petite devinette musicale à vous faire. Non, a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Oui, ça c'est dans les Tonton Flingueur. Oui. Exactement. En film, nous passons à la musique. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, Bertrand. Et je sais parce que j'ai entendu un nom tout à l'heure. Donc voilà, j'ai triché. Je vous ai entendu parler de Michel Thor. Oui, oui, oui. Et ça a l'air de correspondre. Mais Michel Thor, comme je vous le disais, elle a repris Dandy des Kinks quand même à l'époque. Il y a eu peu d'adaptations en français des Kinks. Je crois qu'il y a eu aussi Michel Sardou, d'ailleurs. Oui. Question peut-être que je pourrais poser à Bertrand. Oui, Olivier. Oui. Pourquoi d'ailleurs vous voulez-vous qu'on écoute Michel Thor ? Eh bien, parce que d'une part, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Michel Thor et Reagan. Eh bien, je crois bien. Je trouve que c'est une chanteuse qui se débrouille remarquablement bien, qu'on n'écoute plus beaucoup. Et qui, voilà, maintenant, on arrive du côté des booms de vacances, du côté des Solex et des guitares qu'on se remet à toucher un petit peu. Alors, je pensais à Michel Thor. Et moi j'aimerais poser Olivier, une question parce que tu as un rapport à la musique française et un peu particulier. Tu m'as dit par exemple que quelqu'un comme Léo Ferré, ce qui peut être étonnant, Bertrand Burgala et Léo Ferré, les gens n'y pensent pas immédiatement. Mais tu avais beaucoup touché, que tu avais redécouvert ça récemment. Oui, parce qu'on a des a priori. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, Ferré... On voyait Brel, Ferré, Brassens, c'était un peu le truc des profs, je dirais, mais moi j'écoutais Pink Floyd, ça ne me parlait pas. Et puis les titres connus de lui ne me disaient pas grand-chose. Et puis à un moment, c'est, je crois, parce que j'ai dû entendre, mais c'est il y a une quinzaine d'années, où on venait de finir l'album avec Houellebecq, j'ai entendu sur Inter, c'était Pierre Bouteiller qui avait passé La Solitude. Et j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on essayait de faire... Justement dans ce mélange entre le texte et la musique, Ferré l'avait fait avec Zoho à l'époque, et puis de là, j'avais écouté aussi des trucs qu'il avait fait avec Cosimon, et j'ai trouvé cette période en particulier de Ferré, c'est-à-dire à partir du début des années 70, quand il a quitté sa femme Madeleine, je trouve que c'est une période absolument somptueuse, parce qu'il arrange lui-même, il dirige l'orchestre, tout le monde se fout de sa gueule, alors que la musique est merveilleuse, c'est très inspiré par Ravel, et les textes, il y a des fulgurances, une chanson comme « Je t'aimais bien, tu sais », mais ce texte, justement, chaque phrase, il y a des images qui sont incroyables. Et je finis Olivier, là-dessus sur Ferré, parce que ça me semble important, c'est que parfois on te présente comme un chanteur au second degré, en quelque sorte, avec une sorte d'ironie, de distance. Oui, mais ça, c'est alors que Ferré était au premier degré tout le temps. Comme oui, mais je pense que ces questions de degré, de choses, ça ramène à la personne qui dit ça, ça ne ramène pas à ce qu'on fait. Nous, on fait ce qu'on peut, mais la façon dont c'est perçu... Après, et les malentendus qu'il peut y avoir, moi je peux rien faire là-dessus. Ça m'intéresse, ça m'amuse. Quand j'ai fait ce disque, vraiment j'ai essayé de faire le mieux que je puisse, d'aller le plus loin possible. Mais en même temps, je me disais, si ce truc-là se fait démater, ça me ferait bien rigoler quand même. C'est pas un disque au premier degré. Mais je ne cherchais pas l'échec. Mais je pense que le plus difficile, c'est de le faire. Mais après, la façon. Et en même temps, là maintenant que je le trouve. Je me sens compris quand je fais ce disque. Quand j'entends ce que vous en dites, ce que dit Jean-Pierre, ce que tu en dis, ça me fait très plaisir. Et c'est chouette quand même d'être compris quand on fait des choses. Jean-Pierre, justement, est-ce que ça vous parle toute cette période? Est-ce que les Ferré, les Brassens, est-ce que ce sont des maîtres pour vous? Est-ce qu'on en a un peu trop entendu parler, un peu trop entendu, un peu trop écouté? Alors moi j'ai eu une sorte de conversion un peu comme vous venez de la décrire, c'est-à-dire que pour moi c'était vraiment de la musique qui intéressait d'autres personnes que moi. J'écoutais des choses qui me paraissaient 100 fois plus intéressantes. Mais alors moi, j'avoue que la première fois où j'ai entendu des adaptations de Ronsard par Georges Brassens, seul à la guitare, ça m'a fait quelque chose d'assez unique, quoi. Je me suis dit, quand même, avoir enregistré ça seul avec sa guitare, voilà. Et ensuite, sur Léo Ferré, pour être tout à fait honnête, je l'ai écouté après une de vos interviews, quand vous le recommandiez. Donc voilà, et j'ai été assez étonné par les grands arrangements de l'orchestre un peu ravelien entre guillemets, enfin voilà, c'est cette façon de faire. Côté même grandiloquent parfois. Oui, comme moi. Alors, moi je suis pas contre la grandiloquence en musique. Les paroles de Je t'aimais bien, tu sais, je te vois comme une algue bleue dans l'autobus à la marée du soir, gare Saint-Lazare, mon amour. Je te vois comme un cygne noir sur la chaussée à la marée du soir, gare Saint-Lazare, quand ça descend vers le tiers-monde. Mmh. Ouais. Je te vois avec ta gueule électronique. Avec ta gueule électronique, c'est incroyable. Et des fils se joignant comme des mains perdues. Eh bien, c'est génial. À la bouche. Eh bien, grand merci, Bertrand. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces vers. Car j'ai une question à poser. Puis-je poser une seule question? Allez-y. Est-ce qu'un jour, sur Tricatel, on aura la présence humaine de Yves Adrien? C'est une bonne question. C'est une excellente question, d'ailleurs. Alors, le truc, c'est que quand on se voyait beaucoup avec Yves, je lui ai demandé 10 000 fois de faire des choses. Et ce qui est très difficile, c'est que c'est quelqu'un qui a un tel niveau d'exigence que je pense que c'est très difficile de l'amener à faire, à les concrétiser. Oui, à passer à l'acte. Et moi, j'aimerais beaucoup, bien sûr, mais c'est pas facile. Et moi, il y a un moment, d'ailleurs, où j'ai été un peu obligé. On se voit moins à cause de ça, parce que il peut être très intimidant, c'est-à-dire qu'il met la barre tellement haut que finalement on peut ne rien faire. Et il y a plein de morceaux, quand je le voyais, que j'ai mis à la corbeille, parce qu'il me disait voilà, il met la barre très haut, mais il s'agit pas, il faut viser haut. Hein. Oui, après Reagan, je vais citer Pompidou. Puisqu'on parle d'Yves Adrien, il faut citer Parvulesco. Oui. Parvulesco. Parce que vous avez organisé la rencontre d'ailleurs des deux noms, vous les avez présentés. Oui, bien sûr, je les ai présentés. Mais Parvulesco avait. Il m'avait fait des textes de chansons, il m'en avait fait deux. C'est vrai? Oui. Mais qui était très énigmatique, et Parc Monceau, il y avait une histoire de Parc Monceau d'ailleurs. On n'en attend pas moins quand même. Avant de mourir, il disait j'ai visé trop bas. Et son dernier conseil des ministres, il a dit il faut tirer plus haut, messieurs les ministres. Les mots à la bouche. Eh bien messieurs, ce soir nous avons visé bien haut et le vin commence à se renverser. Et il faut que je vous dise, mes chers amis, que je m'en désole, mais les mots à la bouche tirent à leur fin. La 10e cuvée est bue et elle nous a été remarquablement bien servie par Bertrand Burgala, dont je recommande plus que chaleureusement son dernier album, Les choses qu'on ne peut dire à personne, paru chez Tricatel. Un grand merci Bertrand d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Évidemment, un grand merci à Alexandre Nantas qui nous a divinement interprété deux chants Zigane. Un grand merci. Merci également Arthur Boulot et toute l'équipe de Webset pour le chaleureux accueil qu'ils nous ont servi, ainsi que Christophe Lafosse qui, ce soir, nous a filmé. Je laisse pour une minute la parole à Adrien Brachet, directeur de Webset. Bonsoir Yves. Alors, je me devais d'être là pour cette dernière des mots à la bouche. Alors Yves, la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans ce studio pour parler littérature. C'était sûrement un signe. Et la deuxième fois que nous nous sommes vus, c'était dans un bar pour parler littérature. Là aussi, ce devait être un signe. Signe puisque justement, tu as réussi à allier littérature, vin et gastronomie à la radio. Ce projet original, un peu fou, tu l'as réussi. C'était un projet de haut niveau, ambitieux. Mais cette ambition, c'est celle qu'il faut toujours avoir pour les auditeurs. Je sais aussi que cette ambition, cette rigueur, tu l'as pour toi aussi. Tu travailles avec acharnement pour préparer chaque émission. Tu réécoutes tes anciennes émissions et tu veux toujours t'améliorer. C'est cette exigence qu'il faut pour réussir à la radio. Mais laisse-moi déjà ce soir, au nom de toutes les équipes, te féliciter pour tout ce que tu as fait depuis le lancement des mots à la bouche. Tu as proposé une émission éclectique et de qualité. Alors, un grand merci. Et bien sûr, les portes de Webset Radio te restent toujours ouverte. Eh bien, grand merci, Adrien. Oh, bonjour, et je continuerai à porter du rouge chez Webset Radio tant que Théo Théo est là, justement. Et un petit mot, je t'en depuis Théo. Le début, acceptera. Je vous accompagne avec plaisir. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Oui, monsieur. Les princes de la cuisse, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours ta verre à part. Eux, ils tutoient les anges. Les mots à la bouche.